Chapitre 2 La famille. Deux tantes du côté de ma mère, la tante Rosalie et la tatan Mario. On appelle cette dernière tatan, je ne sais pourquoi. Parce qu'elle est plus caressante, peut-être. Je vois toujours son grand rire blanc et doux dans son visage brun. Elle est maigre et assez gracieuse. Elle est femme. Ma tante Rosalie, son aînée, est énorme. Un peu voûtée, elle a l'air d'un chantre. Elle ressemble au père Jochard, le boulanger, qui entonne les vêpres le dimanche et qui commence les cantiques quand on fait le chemin de la croix. Elle est l'homme dans son ménage. Son mari, mon oncle Jean, ne compte pas. Il se contente de gratter une petite verrue qui joue le grain de beauté dans son visage fripé, tiré, ridé. J'ai remarqué depuis que beaucoup de paysans ont de ces figures-là, rusées, vieillottes, pointues. Ils ont du sang de théâtre ou de cour qui s'est égaré un soir de fête ou de comédie dans la grange ou l'auberge. Ils sentent le cabotin, le ci-devant, le vieux noble, à travers les odeurs de l'étable à cochon et du fumier. Ratatinés par leur origine, ils restent gringalés sous les grands soleils. Le mari de la tatan Mario, lui, est bien un bouvier. Un beau laboureur blond, 5 pieds 7 pouces. Pas de barbe, mais des poils qui luisent sur son cou, un cou rond, gras, doré. Il a la peau couleur de paille, avec des yeux comme des bleuets et des lèvres comme des coquelicots. Il a toujours la chemise entr'ouverte, un gilet rayé jaune, et son grand chapeau à chenilles tricolores ne les quitte jamais. J'ai vu comme cela des dieux des champs dans des paysages de peintres. Deux tantes du côté de mon père. Ma tante Mélie est muette. Avec cela, bavarde, bavarde. Ses yeux, son front, ses lèvres, ses mains, ses pieds, ses nerfs, ses muscles, sa chair, sa peau, tout chez elle remue, jase, interroge, répond. Elle vous harcèle de questions. Elle demande des répliques. Ses prunelles se dilatent, s'éteignent. Ses joues se gonflent, se rentrent. Son nez saute. Elle vous touche ici, là, lentement, brusquement, pensivement, follement. Il n'y a pas moyen de finir la conversation. Il faut y être, avoir un signe pour chaque signe, un geste pour chaque geste, des réparties, du trait, regarder tantôt dans le ciel, tantôt à la cave, attraper sa pensée comme on peut, par la tête ou par la queue, en un mot, se donner tout entier, tandis qu'avec les commères qui ont une langue, on ne fait que prêter l'oreille. Rien n'est bavard comme un sourd muet. Pauvre fille, elle n'a pas trouvé à se marier. C'était certain, et elle vit avec peine du produit de son travail manuel. Non qu'elle manque de rien, à vrai dire, mais elle est coquette, la tante Amélie. Il faut entendre son petit grognement, voir son geste, suivre ses yeux quand elle essaie une coiffe ou un fichu. Elle a du goût. Elle sait planter une rose au coin de son oreille morte et trouver la couleur du ruban qui ira le mieux à son corsage près de son cœur qui veut parler. Grande tante Agnès. On l'appelle la Béate. Il y a tout un monde de vieilles filles qu'on appelle de ce nom-là. Main, qu'est-ce que ça veut dire une Béate? Ma mère cherche une définition et n'en trouve pas. Elle parle de consécration à la Vierge, de vœux d'innocence. L'innocence, ma grande tante Agnès représente l'innocence. C'est fait comme cela, l'innocence. Elle a bien 70 ans et elle doit avoir les cheveux blancs. Je n'en sais rien. Personne n'en sait rien, car elle a toujours un serre-tête noir qui lui colle comme du taffetas sur le crâne. Elle a par exemple la barbe grise, un bouquet de poils ici, une petite mèche qui frisote par là, et de tous côtés des poireaux comme des groseilles qui ont l'air de bouillir sur sa figure. Pour mieux dire, sa tête rappelle par le haut, à cause du serre-tête noir, une pomme de terre brûlée, et par le bas, une pomme de terre germée. J'en ai trouvé une, gonflée, violette, l'autre matin sous le fourneau, qui ressemblait à grand-tante Agnès comme 2 gouttes d'eau. Vœux d'innocence. Ma mère fait si bien, s'explique si mal, que je commence à croire que c'est malpropre d'être béate et qu'il leur manque quelque chose ou qu'elles ont quelque chose de trop. Béates ? Elles sont quatre béates qui demeurent ensemble, pas toutes avec des poireaux couleur de feu sur une peau couleur de cendre comme grand-tante Agnès qui est coquette, mais toutes avec un brin de moustache ou un bout de favori, une noix de côtelette et l'inévitable serre-tête, l'emplâtre noir. On m'y envoie de temps en temps. C'est au fond d'une rue déserte où l'herbe pousse. Grand-tante Agnès est ma marraine et elle adore son filleul. Elle veut me faire son héritier, me laisse ce qu'elle a, pas son serre-tête, j'espère. Il paraît qu'elle garde quelques vieux sous dans un vieux bas, et quand on parle d'une voisine chez qui l'on a trouvé un sac d'écus dans le fond d'un pot à beurre, elle rit dans sa barbe. Je ne m'amuse pas fort chez elle, en attendant qu'on trouve son pot à beurre. Il fait noir dans cette grande pièce, espèce de grenier soutenu par des poutres qui ont l'air en vieux bouchons, tant elles sont piquées et moisies. La fenêtre donne sur une cour, d'où monte une odeur de boue cuite. Il n'y a que les rideaux de lit qui me plaisent. Ils suffisent à me distraire. On y voit des bons hommes, des chiens, des arbres, un cochon. Ils sont peints en violet sur l'étoffe, c'est le même sujet répété 100 fois. Mais je m'amuse à les regarder de tous les côtés, et je vois surtout toutes sortes de choses dans les rideaux de ma grand-tante quand je mets ma tête entre mes jambes pour les regarder. La chasse, c'est le sujet, me paraît de toutes les couleurs. Je crois bien. Le sang me descend à la figure, j'ai le cerveau comme un fond de barrique. C'est l'apoplexie. Je suis forcée de retirer ma tête par les cheveux pour me relever et de la replacer droit comme une bouteille en vidange. On fait des prières à tout bout de champ. Amen, amen, avant la rave et après l'œuf. Les raves sont le fond du dîner qu'on m'offre quand je vais chez la béate. On m'en donne une crue et une cuite. Je racle la crue qui semble moussée sous le couteau et a sur la langue un goût de noisette et un froid de neige. Je mords avec moins de plaisir dans celle qui est cuite au feu de la chaufferette que la tante tient toujours entre les jambes et qui est le meuble indispensable des béates. 8 jambes de béate, 4 chaufferettes qui servent de boîte à fil en été et dont elles tournent la braise avec leurs clés en hiver. Il y a de temps en temps un œuf. On tire cet œuf d'un sac comme un numéro de loterie et on le met à la coque, le malheureux. C'est un véritable crime, un coquicide, car il y a toujours un petit poulet dedans. Je mange ce fœtus avec reconnaissance, car on m'a dit que tout le monde n'en mange pas, que j'ai le bénéfice d'une rareté, mais sans entrain, car je n'aime pas l'avorton en mouillette et le poulet à la petite cuillère. En hiver, les béates travaillent à la boule. Elles plantent une chandelle entre 4 globes pleins d'eau, ce qui donne une lueur blanche, courte et dure, avec des reflets d'or. En été, elles portent leurs chaises dans la rue, sur le pas de la porte, et les carreaux vont leur train. Avec ses bandeaux verts, ses rubans roses, ses épingles à tête de perles et les fils qui semblent des traînées de bave d'argent sur un bouquet, avec ses airs de corsage riches, ses fuseaux bavards, le carreau est un petit monde de vie et de gaieté. Il faut l'entendre babiller sur les genoux des dentelières, dans les rues de Béate, les jours chauds, au seuil des maisons muettes. Un tapage de ruches ou de ruisseaux, dès qu'elles sont seulement 5 ou 6 à travailler. Puis quand midi sonne, le silence. Les doigts s'arrêtent, les lèvres bougent, on dit la courte prière de l'Angélus. Quand celle qui l'a dit a fini, tous répondent mélancoliquement « Amen ». Et les carreaux se remettent à bavarder. Mon oncle Joseph, mon tonton, comme je dis, est un paysan qui s'est fait ouvrier. Il a 25 ans et il est fort comme un bœuf. Il ressemble à un joueur d'orgue. La peau brune, de grands yeux, une bouche large, de belles dents. La barbe très noire, un buisson de cheveux, un cou de matelot, des mains énormes, toutes couvertes de verrues, ces fameuses verrues qu'il gratte pendant la prière. Il est compagnon du devoir. Il a une grande canne avec de longs rubans et il m'emmène quelquefois chez la mère des menuisiers. On boit, on chante, on fait des tours de force. Il me prend par la ceinture, me jette en l'air, me rattrape et me jette encore. J'ai plaisir et peur. Puis je grimpe sur les genoux des compagnons. Je touche à leur maître et à leur compas. Je goûte au vin qui me fait mal. Je me cogne au chef-d'œuvre. Je renverse des planches et m'éborgne à leur grand faux col. Je m'égratigne à leur pendant d'oreilles. Ils ont des pendants d'oreilles. Jacques, est-ce que tu t'amuses mieux avec ces messieurs de la bachellerie qu'avec nous? Oh, mais non! Il appelle messieurs de la bachellerie les instituteurs, professeurs, maîtres de latinage ou de dessin qui viennent quelquefois à la maison et qui parlent du collège tout le temps. Ce jour-là, on m'ordonne majestueusement de rester tranquille, on me défend de mettre mes coudes sur la table, je ne dois pas remuer les jambes et je mange le gras de ceux qui ne l'aiment pas. Je m'ennuie beaucoup avec ces messieurs de la bachellerie et je suis si heureux avec les menuisiers. Je couche à côté de tonton Joseph et il ne s'endort jamais sans m'avoir conté des histoires. Il en sait tout plein. Puis il bat la retraite avec ses mains sur son ventre. Le matin, il m'apprend à donner des coups de poing et il se fait tout petit pour me présenter sa grosse poitrine à frapper. J'essaye aussi le coup de pied et je tombe presque toujours. Quand je me fais mal, je ne pleure pas. Ma mère viendrait. Il part le matin et revient le soir. Comme j'attends après lui. Je compte les heures quand il est sur le point de rentrer. Il m'emporte dans ses bras après la soupe et il m'emmène jusqu'à ce qu'on se couche dans son petit atelier qu'il a en bas où il travaille à son compte le soir en chantant des chansons qui m'amusent et en me jetant tous les copeaux par la figure. C'est moi qui mouche la chandelle et il me laisse mettre les doigts dans son vernis. Il vient quelquefois des camarades le voir et causer avec lui les mains dans les poches, l'épaule contre la porte. Ils me font des amitiés et mon oncle est tout fier. Il en sait déjà long, le gaillard. Jacques, dis-nous ta fable. Un jour, l'oncle Joseph partit. Ce fut une triste histoire. Madame Garnier, la veuve de l'ivrogne qui s'est noyée dans sa cuve, avait une nièce qu'elle fit venir de Bordeaux lors de la catastrophe. Une grande brune, avec des yeux énormes, des yeux noirs, tout noirs et qui brûlent. Elle les fait aller comme je fais aller dans l'étude un miroir cassé pour jeter des éclairs. Ils roulent dans tous les coins, remontent au ciel et vous prennent avec eux. Il paraît que j'en tombais amoureux fou. Je dis « il paraît » car je ne me souviens que d'une scène de passion, d'épouvantable jalousie. Et contre qui ? Contre l'oncle Joseph lui-même, qui avait fait la cour à mademoiselle Célina Garnier, s'y était pris je ne sais comment, mais avait fini par la demander en mariage et l'épouser. L'aimait-elle? Je ne puis aujourd'hui répondre à cette question. Aujourd'hui que la raison est revenue, que le temps a versé sa neige sur ses émotions profondes. Mais alors, au moment où mademoiselle Célina se maria, j'étais aveuglée par la passion. Elle allait être la femme d'un autre. Elle me refusait, moi, si pure. Je ne savais pas encore la différence qu'il y avait entre une dame et un monsieur, et je croyais que les enfants naissaient sous les choux. Quand j'étais dans un potager, il m'arrivait de regarder. Je me promenais dans les légumes, avec l'idée que, moi aussi, je pouvais être père. Mais tout de même, je tressaillais quand ma tante me tapotait les joues et me parlait en bordelais. Quand elle me regardait d'une certaine façon, le cœur me tournait comme le jour où sur le breuil j'étais monté dans une balançoire de foire. J'étais déjà grand, 10 ans. C'est ce que je lui disais. « N'épouse pas mon oncle Joseph. Dans quelque temps, je serai un homme. Attends-moi, jure-moi que tu m'attendras. C'est pour de rire, n'est-ce pas, la noce d'aujourd'hui ?» Ce n'était pas pour de rire du tout. Ils étaient mariés bel et bien. Et ils s'en allèrent tous les deux. Je les vis disparaître. Ma jalousie veillait. J'entendis tourner la clé. Elle me tordit le cœur, cette clé. J'écoutais, je fis le guet. Rien, rien. Je sentis que j'étais perdue. Je rentrai dans la salle du festin et je bus pour oublier. Je n'osais plus regarder l'oncle Joseph en face depuis ce temps-là. Cependant, Quand il vint nous voir la veille de son départ pour Bordeaux, il ne fit aucune allusion à notre rivalité et me dit adieu avec la tendresse de l'oncle et non la rancune du mari. Il y a aussi ma cousine Apollonie. On l'appelle la Polonie. C'est comme ça qu'ils ont baptisé leur fille, ces paysans. Chère cousine, grande et lente, avec des yeux bleus de pervenche, de longs cheveux châtains, des épaules de neige, un cou frais que coupe de sa noirceur luisante un velours tenant une croix d'or, le sourire tendre et la voix traînante, devenant rose dès qu'elle rit, rouge dès qu'on la fixe. Je la dévore des yeux quand elle s'habille. Je ne sais pas pourquoi, je me sens tout chose en la regardant retenir avec ses dents et relever sur son épaule ronde sa chemise qui dégringole, les jours où elle couche dans notre petite chambre pour être au marché la première avec ses blocs de beurre fermes et blancs comme les moules de chair qu'elle a sur la poitrine. On s'arrache le beurre de la Polonie. Elle vient quelquefois m'agacer le cou, me menacer les côtes de ses doigts longs. Elle rit, me caresse et m'embrasse. Je la serre en me défendant et je l'ai mordue une fois. Je ne voulais pas la mordre, mais je ne pouvais pas m'empêcher de serrer les dents comme sa chair avait une odeur de framboise. Elle m'a crié « Petit méchant !» en me donnant une tape sur la joue, un peu fort. J'ai cru que j'allais m'évanouir et j'ai soupiré en lui répondant. Je me sentais la poitrine serrée et l'œil plus doux. Elle m'a quitté pour se rejeter dans son lit en me disant qu'elle avait attrapé froid. Elle ressemble par derrière au poulain blanc que monte le petit du préfet. J'ai pensé à elle tout le temps en faisant mes thèmes. Je reste quelquefois longtemps sans la voir. Elle garde la maison, un village, puis elle arrive tout d'un coup, un matin, comme une bouffée. « C'est moi, dit-elle, je viens te chercher pour t'emmener chez nous, si tu veux venir. » Elle m'embrasse, je frotte mon museau contre ses joues roses et je le plonge dans son cou blanc. Je le laisse traîner sur sa gorge veinée de bleu. Toujours cette odeur de framboise. Elle me renvoie et je cours ramasser mes hardes et changer de chemise. Je mets une cravate verte et je vole à ma mère de la pommade pour sentir bon moi aussi et pour qu'elle mette sa tête sur mes cheveux. Mon paquet est fait. Je suis graissée et cravatée, mais je me trouve tout laid en me regardant dans le miroir et je m'ébouriffe de nouveau. Je tasse ma cravate au fond de ma poche et le col ouvert, la casquette tombante, je cours avoir un baiser encore. Ça me chatouillait. Je ne lui disais pas. Le garçon d'écurie a donné une tape sur la croupe du cheval. Un cheval jaune avec des touffes de poils près du sabot. C'est celui de ma tante Mario qu'on enfourche quand il y a trop de beurre à porter ou de fromage bleu à vendre. La bête va l'amble, ta-ta-ta, ta-ta-ta, toute raide. On dirait que son cou va se casser et sa crinière couleur de mousse roule sur ses gros yeux qui ressemblent à des cœurs de mouton. La tante ou la cousine monte dessus comme des hommes. Les mollets de ma tante sont maigres comme des fuseaux noirs, ceux de ma cousine paraissent gras et doux dans les bas de laine blanche. Et donc, ho, ho, ces gens qui tirent et font virer le cheval. Il a eu son picotin d'avoine et il hennit en retroussant ses lèvres et montrant ses dents jaunes. Le voilà scellé. « Passez-moi Jacquinou, » dit la Polonie, qui est parvenue à abaisser sur ses genoux sa jupe de futaine et s'est installée à pleine chair sur le cuir luisant de la selle. Elle m'aide à m'asseoir sur la croupe. « J'y suis !» Mais on s'aperçoit que j'ai oublié mes habits roulés dans un torchon sur la table d'auberge pleine de ronds de vin cernés par les mouches. On les apporte. Jean, attachez-les. Mon petit Jacquinou, passe tes bras autour de ma taille. Serre-moi bien. Pauvre cheval a le tricotement sec et les os durs. Mais je m'aperçois à ce moment que ce que dit la fable qu'on nous fait réciter est vrai. Dieu fait bien ce qu'il fait. Ma mère, en me fouettant, m'a durci et tanné la peau. Serre, je te dis, serre-moi plus fort. Et je la serre sous son fichu pain semé de petites fleurs comme des hannetons d'or. Je sens la tiédeur de sa peau, je presse le doux de sa chair. Il me semble que cette chair se raffermit sous mes doigts qui s'appuient Et tout à l'heure, quand elle m'a regardée en tournant la tête, les lèvres ouvertes et le cou engorgé, le sang m'est monté au crâne, a grillé mes cheveux. J'ai un peu desserré les bras dans la rue Saint-Jean. C'est par là que passent les bestiaux et nous allions au pas. J'étais tout fière. Je me figurais qu'on me regardait et je faisais celui qui s'est monté. Je me retournais sur la croupe en m'appuyant du plat de la main. Je donnais des coups de talon dans les cuisses et je disais « Hue !» comme un maquignon. Nous avons traversé le faubourg, passé le dernier bourrelier. Nous sommes à Expailly. Plus de maisons, excepté dans les champs quelques-unes, des fleurs qui grimpent contre les murs comme des boutons de rose le long d'une robe blanche, un coteau de vigne et la rivière au bas qui s'étire comme un serpent sous les arbres borné d'une bande de sable jaune plus fin que de la crème et piqué de cailloux qui flambent comme des diamants. Au fond, des montagnes. Elles coupent de leur échine noire verdie par le poil des sapins le bleu du ciel où les nuages traînent en flocons de soie. Un oiseau, quelque aigle sans doute, avait donné un grand coup d'aile et il pendait dans l'air comme un boulet au bout du fil. Je me rappellerai toujours ces bois sombres, la rivière frissonnante, l'air tiède et le grand aigle. J'avais oublié que j'étais le cœur battant contre le dos de la Polonie. Elle-même, ma cousine, semblait ne penser à rien et je ne me souviens avoir entendu que le pas du cheval et le beuglement d'une vache.